voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Guillaume et sa compagne Mélina ont fait le choix de donner du sens à leur vie. D'abord animateurs nature, ils ont quitté leur métier de l'animation pour parler moins et être plus dans le concret. D'abord vivre l'expérience avant de pouvoir transmettre leur savoir-faire. Et les voilà devenus maraîchers en traction animale. Rencontre avec Guillaume. Bonjour, donc là on est au jardin d'Ilas. Donc on est chez moi là dans la maison, après la ferme est derrière, on ira tout à l'heure. Donc c'est une ferme qu'on a créée il y a 6 ans en fait, on s'est installé avec ma conjointe Mélina, qui est située en Ariège en fait, à 12 km de Saint-Girons, donc dans la montagne ariégeoise, et dans laquelle on produit principalement des légumes, avec l'aide de chevaux de trait, on travaille en traction animale. On produit aussi un peu des fruits rouges, des semences potagères, quelques pommes aussi. Et là, un verger qui va se planter là cet hiver. Il y a aussi un poulailler avec une trentaine de poules, un chien et 2 chats. Et voilà. Donc, tu es là en Ariège depuis 6 ans. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'origine du projet? Comment est-ce que tu as débarqué ici? Alors, l'origine de projet, il est né quand on avait 18-20 ans. Quand on s'est rencontré avec ma conjointe, on était en BTS d'animation nature, en fait. Donc, c'était pour devenir animateur nature. Et donc voilà, on voulait déjà un peu sauver le monde et ouvrir les consciences à l'écologie un peu de tout le monde. Mais voilà, on était un peu à côté de la plaque et enfin, on connaissait pas grand chose nous-mêmes en fait. Donc on a commencé notre parcours en se créant une association dans le but de créer un jour une ferme pédagogique. Et pendant 5 ans, on a fait diverses petites expériences par-ci par-là. Et ça a mûri en un projet. En fait, on voulait vraiment une ferme réaliste, quoi, créer une vraie alternative écologique, quoi, pas avoir une ferme zoo où les gens viennent caresser des petits animaux puis on les mange pas, quoi. On voulait vraiment faire quelque chose qui corresponde à une réalité agricole et à une alternative crédible et réelle, quoi. Donc petit à petit, à force de faire de l'animation, bon, on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup puis qu'on faisait pas assez de choses. Donc à un moment, on a arrêté l'animation provisoirement. Le temps de se dire, bon voilà, nous on va d'abord apprendre un vrai savoir-faire, de maîtriser un savoir-faire avant de le transmettre. Parce que c'est bien beau de vouloir dire aux gens comment il faut faire, comment il faut vivre, mais déjà il faut commencer par soi-même. Et donc on a commencé par nous-mêmes, du coup on s'y est mis vraiment. Et là seulement après 6 ans, on recommence à vouloir faire un peu d'animation, à transmettre un petit peu ce qu'on a appris pendant tout ce temps. Pourquoi l'Ariège? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? L'Ariège, en fait, nous, on voulait. Moi, je suis passionné de montagne depuis tout petit. Hein. J'ai passé toutes les vacances que j'étais petit à la montagne et voilà, j'adore ça. Donc, moi, je voulais la montagne. C'était ça ou rien. Donc, on a cherché dans toutes les Pyrénées, en fait. Hein. Un petit peu dans les Alpes, mais très vite, on a arrêté parce que c'était beaucoup trop cher et puis beaucoup trop touristique. Et pourquoi l'Ariège, en fait? Parce qu'on a trouvé ce terrain-là qui était dans nos moyens, on va dire. Et qui correspondait surtout à ce qu'on avait envie. C'est ce qui n'est pas facile, parce qu'on voulait faire du maraîchage dans la montagne. C'est pas forcément le bon endroit. Donc il fallait du plat en montagne, il fallait de l'eau, il fallait un accès. Si on voulait justement faire un peu de pédagogie, d'accueil, ben, il fallait que ce ne soit pas non plus à 2 heures de route au fin fond de la montagne. Donc ici, on a trouvé ça. Et voilà, c'est à force d'harceler la SAFER, en fait, on a fini par nous proposer ce terrain. Et on a flashé en fait, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit là, c'est là. Et donc du coup, on a fait en sorte pour rester là, quoi. Quel est le lien avec Terre de Lien? Je crois que vous avez bossé ensemble, non? Ou parle-moi peut-être un petit peu de Terre de Lien. Alors oui, en fait, c'est grâce à Terre de Lien qu'on a pu s'installer ici, parce que donc la ferme appartient à la foncière Terre de Lien. Donc c'est une société en commandite par action, donc c'est une société qui collecte de l'épargne solidaire. Donc c'est des gens qui prennent des actions en fait, hein, des parts à 100 euros pour soutenir des projets, pour acheter des fermes. Donc c'est avec cet argent-là, la foncière achète des terres et des bâtiments et les met en location longue durée à des agriculteurs. Donc nous ici, on a bénéficié de ce système. Donc on a collecté de l'épargne en fait auprès de nos amis, de notre famille, dans des articles de journaux pour faire appel à la solidarité des gens qui voulaient soutenir ce projet. Et donc, la foncière Terre de Liens a pu collecter suffisamment d'argent pour acheter ce lieu et nous le mettre en location. Donc, c'est un bail environnemental, donc avec des clauses. Donc, on est contraint, mais ce n'est pas vraiment une contrainte parce qu'on est d'accord d'être en bio. Donc, ce n'est pas la bio avec le label, mais on va dire que c'est des pratiques bio. Donc, ça veut dire que le jour où, si un jour on devient des gros idiots et qu'on met des produits chimiques, eh ben, ils peuvent nous mettre dehors. Donc, voilà, c'est un espèce de contrat en fait entre ben, la société civile, les gens qui soutiennent le projet. Et nous qui nous disent, ben voilà, nous on est prêt à mettre de l'argent, à vous soutenir pour que vous ayez accès à cette terre. Mais en contrepartie, ben on vous demande de produire de manière écologique, quoi. Donc voilà, c'est Terre de Liens, c'est un peu ce principe-là. C'est voilà, c'est des gens qui sont solidaires avec nous et qui nous permettent de nous installer. Donc tu as fait ce choix de vivre de la terre. Comment ça se passait dans ta famille? Est-ce que tu as été issu de ce milieu-là ou pas du tout? Ouais, je pense que j'ai pris un virage à 90 degrés au moins. Parce que moi, je suis fils de fonctionnaire. Mes deux parents, mon père était instit, un des derniers instits. Et ma mère était fonctionnaire aussi. Le rêve de l'ascension sociale de mon père aurait été, je pense, que je finisse ingénieur ou avocat ou médecin. Enfin, voilà, quelque chose de bien payé, on va dire. Parce que lui, il avait déjà pu sortir de sa condition d'ouvrier, enfin, de fils d'immigré ouvrier, pour finir instit. Donc, voilà, c'était déjà un pas dans l'ascenseur social. Donc, la progression normale aurait été ça, on va dire. Et c'est pas ce qui s'est passé puisque je deviens paysan, ce qui est le tout bas de l'ascenseur social aux yeux des autres, en tout cas pour moi c'est complètement différent. Et donc voilà, ouais, non, je suis pas du tout du milieu agricole en fait. Hein, voilà, moi j'ai jamais mis. On avait un jardin à la maison quand même, hein, donc on a grandi à la campagne, un peu sensible à l'environnement, on va dire. Hein, voilà, protection de. Il y avait des petits nichoirs dans le jardin, des choses comme ça, quoi. Mais c'était pas, voilà, c'était pas du tout des militants engagés pour l'écologie, quoi. Donc voilà, j'ai cherché ma voie, j'ai toujours voulu bosser dans la montagne, j'adorais la montagne depuis toujours, donc c'est la montagne qui m'a amené à la nature. Et c'est, bah, je crois, quand je suis devenu adulte petit à petit, découvrir en fait voilà, la pollution, le monde, les inégalités, la misère, etc. Tout ça m'a rebellé encore plus et j'étais en colère en fait avec le monde, quoi. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie, dont une qui s'appelle Pascal Thomas. Qui m'a ouvert les yeux sur les alternatives, en fait, sur les solutions qui existaient. Et quand j'ai vu, ah ouais, tiens, il y a des solutions, tiens, on peut faire de l'agriculture autrement, on peut consommer différemment, etc. Je me suis dit, ben voilà, ben moi je vais faire ça. Et puis il y a une personne qui est passée dans ma vie un jour qui m'a dit, parce que je parle déjà beaucoup à l'époque, et il m'a dit, mais toi, tu fais quoi? Et ça m'a fait une grosse claque, en fait, et je me suis dit, ah ouais, il serait peut-être temps que je m'y mette, en fait. Et puis à partir de ce jour-là, ben, je m'y suis mis petit à petit, un jour, chaque jour un peu plus, à faire ma part, quoi, on va dire. Quand tu dis et toi tu fais quoi, c'est à part ouvrir ta gueule, c'est ça qu'il Ouais, voulait c'est dire? ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est toi, tu fais quoi pour l'écologie, pour la nature? Voilà, à part dire c'est bien, il faut protéger la nature, les autres ils polluent, c'est pas bien, etc. Et toi, tu fais que le dire, quoi. Donc, ouais, il m'a dit, ouais, mets-toi-y, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Tu me disais aujourd'hui j'ai donc choisi d'être paysan. C'est quoi un paysan? Comment est-ce que tu définirais ce métier? Pour moi, un paysan, c'est quelqu'un qui travaille avec la nature pour produire de la nourriture pour les autres. Donc, c'est à une petite échelle. C'est ça pour moi la différence entre le paysan et le chef d'exploitation, comme ils disent bien, ceux qui exploitent la nature. Nous, on l'exploite pas, on travaille avec. Donc, voilà, pour moi, la différence, elle se situe là, au niveau de la taille. Voilà, ouais. Vous écoutez la voix du Kaizen. Si tu regardes la pyramide des besoins de l'être humain, à la base, c'est se nourrir. Se nourrir, se loger, fonder une famille, mais se nourrir, c'est quelque chose, c'est un besoin primaire qu'on a tous, se nourrir, subvenir à ses besoins quotidiens. Et ça, le paysan, il travaille au quotidien, justement, pour pouvoir nourrir l'humanité, nourrir sa famille, nourrir l'homme. Pourquoi ce métier est vu d'une manière péjorative? Alors qu'il a la base de tout. Ouais, j'aimerais bien le savoir, des fois. Et j'en sais rien, je pense que parce que peut-être à travers les siècles, le paysan, ben ça, il a toujours beaucoup travaillé, je pense. Il a jamais eu beaucoup de pouvoir. Donc je pense que c'est à ce niveau-là. Et il n'a jamais été trop riche non plus. Et la richesse étant quelque chose qu'on cultive et qui est devenu comme, on va dire, la panacée de l'humain aux yeux des gens. Je pense que ça a toujours été le cas, hein, richesse, pouvoir. Et donc voilà, les gens, ben, ils ont envie de richesse et de pouvoir. Donc celui qui n'en a pas, ben, il est mal vu. Et le paysan, c'est ça. Bon, c'est une explication, après, j'en suis pas certain, hein, franchement. En tout cas, ouais, je pense que ça change en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que ça change. Je sais que Mélina, elle avait honte de dire que son père était entrepreneur de travaux agricoles quand elle était gamine, quoi, parce que justement, c'était mal vu. Et je vois, même si ça reste encore pas très bien vu, aujourd'hui, les gens comme nous qui se réorientent vers l'agriculture, je vois beaucoup de porteurs de projets passer, et notamment des gens qui ont des bac plus 5, bac plus 10, enfin voilà, des grosses têtes, on va dire, qu'on fait beaucoup d'études et qui se retrouvent paysans, parce que aujourd'hui, paysan, c'est un métier, ouais, qui est complexe, quoi, qui est... Et voilà, on a aussi beaucoup de clients qui viennent nous remercier de ce qu'on fait sur le stand, parce qu'ils ont conscience que c'est un acte politique que de faire du jardinage et écologique, on va dire. Et voilà, maintenant, le paysan, c'est aussi un acteur, enfin, en tout cas, le paysan écolo, on va dire, c'est un acteur de la société et c'est un acteur du changement, quoi. Donc, je pense que maintenant, la prise de conscience de l'environnement, elle arrive petit à petit, même si les actes, ils sont encore pas là ou pas assez là. Dans la tête des gens, voilà, produire du bio, c'est bien, quoi. Maintenant, plus personne ne dira, ah, le bio, c'est nul, quoi. Même s'ils vont pas forcément consommer ou pas forcément ch changer leur mode de vie, ils vont en tout cas être respectueux du travail qu'on peut faire, quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire que ouais, ça change un peu et c'est pas plus mal. Tu me parlais aussi du paysan n'est pas riche. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Qu'est-ce que c'est pour toi être riche? Bon, alors quand je dis le paysan n'est pas riche, je parle de financièrement, je parle de ce qu'on appelle communément richesse. Mais en effet, si tu veux, je pense, m'emmener vers là, la richesse, elle est ailleurs, quoi. La richesse humaine, il y a la richesse humaine, les richesses sociales, la richesse de vie, le fait que la vie soit remplie, et pour moi, c'est une richesse, et je me sens très riche de plein de choses, en fait, hein. Mais financièrement, pas. Mais je me sens riche de milliers d'autres choses, par contre, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix. Tu n'as pas fait le choix d'être paysan. Tu n'es pas riche économiquement, mais c'est vraiment quelque chose de choisi. Oui, c'est même un choix d'être entre guillemets pauvre économiquement, parce que j'ai un peu honte des fois de dire ça, parce que je suis considéré comme pauvre aux yeux de la société française, mais si on regarde les choses d'un point de vue plus global, je reste avec un niveau de vie très élevé par rapport à la grande masse d'humains de cette planète. Donc même si je vis simplement et je suis considéré comme pauvre, moi je me sens déjà riche, quoi. J'ai une voiture, j'ai une télé, enfin j'ai un ordinateur, on va dire, je peux avoir accès au cinéma, je peux sortir, faire des concerts, je peux aller au restaurant. Enfin, je me sens en fait finalement très riche, quoi. Même financièrement, je manque de rien, quoi. Donc à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste quand même un choix de pas gagner plus que ça et d'orienter justement la recherche de la richesse dans la vie vers autre chose que la recherche financière, vers les valeurs humaines, vers le plaisir au travail, vers voilà, le contact avec la nature. Et voilà, pour moi, c'est des richesses qui sont beaucoup beaucoup plus importantes, quoi. Je crois vraiment, pour l'avoir constaté, j'ai des amis qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui en ont moins, et ils sont pas plus heureux les uns que les autres, quoi. En fait, voilà, la recherche du bonheur ou du bien-être dans sa vie, elle est complètement déconnectée de cette question financière, quoi. Il y a les besoins de base dont tu parlais tout à l'heure, la pyramide des besoins, qui eux doivent être comblés, ça c'est sûr, mais passer ça, c'est que ça se situe ailleurs, quoi. En fait, vraiment, c'est dans autre chose. Quelqu'un me disait, être pauvre, c'est être libre. Ouais, donc à ce niveau-là, en effet, je pense que être pauvre volontairement, on va dire, là, c'est une sorte de liberté, en effet. Vous écoutez la voix du Kaizen. Ouais. Donc, simplicité volontaire, ça me parle bien parce que c'est recherche de vie simple et donc aussi finalement d'autres valeurs. Donc ça me parle bien à ce niveau-là, parce que bon, c'est un peu ce que je recherche. Alors après, j'ai fait mes petits compromis petit à petit avec le temps aussi, parce qu'il y a un équilibre entre la vie simple et puis le manque de confort. Je pense qu'il y a un minimum de confort à avoir. La sobriété heureuse, j'aime beaucoup le terme de heureux derrière. J'aime moins le terme de sobre parce que j'aime bien boire des petits coups de temps en temps. Et c'était quoi la décroissance? Donc la décroissance, ça me plaît bien dans le sens politique. Voilà, pour moi, voilà, la décroissance économique, en fait, hein, je pense qu'il faut préciser ça derrière, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et en tout cas, la décroissance de consommation, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Après, c'est un terme souvent, je trouve, négatif. Alors que c'est dommage, parce que c'est quelque chose de positif, concret, dans ces mouvements-là. Donc voilà, j'aime mieux les termes de simplicité volontaire. Mais par contre, ce qui est intéressant dans la décroissance, c'est que voilà, on peut aborder le terme de la croissance, du modèle de développement de nos sociétés qui est basé sur la croissance, alors qu'il pourrait être basé sur plein plein d'autres choses, et on se rendrait compte qu'il peut y avoir une décroissance économique, mais une croissance sociale, une croissance culturelle, une croissance écologique. Enfin voilà, il pourrait y avoir. C'est un terme à définir, on va dire, la décroissance, pour bien s'entendre. Donc on va garder celui de la simplicité volontaire. Donc toi, comment est-ce que tu essayes de l'incarner, cette simplicité? Eh ben, je dirais en essayant de justement limiter les besoins, donc ne pas avoir toujours besoin de toujours plus. Donc voilà, moi par exemple, je travaille avec des chevaux, donc pour moi ça fait partie de la simplicité, quoi, de chercher des méthodes de travail simples aussi, dans les façons de faire et de ne pas chercher toujours une solution matérielle aux problématiques, quoi. Il y a d'autres solutions que le matériel toujours. Donc on vit, nous, on cuisine au feu de bois l'hiver régulièrement. Alors on l'a fait à une époque, on cuisinait 100% au feu de bois, même l'été. Puis après, au bout d'un moment, on s'est acheté une petite gazinière. Au début, c'était pour faire plaisir à ma mère qui venait nous filer des coups de main et qu'on avait marre de galérer avec le feu. Et puis finalement, bah, la gazinière, on s'en sert pas mal quand même. Mais voilà, on a une petite gazinière toute simple. Voilà, on n'a pas un truc 5 feux, high-tech et tout ce que tu veux. Voilà, on a un ordinateur pour nous deux, on a une voiture pour nous deux, qui sert aussi pour l'entreprise. Donc voilà, ça c'est aussi un choix, ce qui est assez peu commun. On n'a pas de téléphone portable, on n'utilise qu'un téléphone fixe. Et après, voilà, les positions matérielles, ben voilà, moi c'est surtout des quelques bouquins. Puis bah voilà, après de quoi manger, une table, des chaises, des couverts, enfin voilà, de la vaisselle, quoi. Et après, on a au niveau matériel, c'est plus au niveau de l'entreprise agricole qu'on a un peu de matériel, parce que bon là, voilà, ça se justifie, quoi. On a tronçonneuse, débroussailleuse, visseuse. Au début, on a commencé, on voulait vraiment faire tout à la main. On a fait nos premiers 10 terres de bois 100% à la main avec le cheval, avec le gros passe-partout, la scie où tu te mets à deux. Et puis bon, ben voilà, finalement, on a fait notre chemin. Nous, on essaye de vraiment développer des alternatives au pétrole, surtout dans l'agriculture, puisque c'est notre domaine, c'est notre passion, et c'est là-dessus qu'on a envie d'avancer. Donc on se dit, on met notre énergie sur faire avancer les choses sur ce domaine-là, qui est notre domaine de compétence. Et à côté, on se facilite un petit peu la vie. Donc on s'est payé une petite tronçonneuse pour se faire notre bois l'hiver, parce que ouais, c'était quand même rude à la main, quoi. Comment t'en es venu à la traction animale? Ben, l'attraction animale, c'est vraiment cette recherche-là, quoi, hein, recherche de simplicité, enfin, recherche d'écologie, en fait. Nous, on s'est toujours dit comment produire sans nuire. Et pour nous, en fait, c'était juste évident, l'attraction animale. La question, elle s'est vraiment jamais posée. Pour nous, un tracteur, c'était pas envisageable, quoi. Donc pour nous, ça, c'est essentiel de remettre l'animal au cœur de la ferme. Donc c'est voilà, c'est une vision d'une agriculture du futur. Et il y a vraiment ça, je pense, le fait de mieux respecter la terre dans notre façon de travailler, puisqu'on travaille aussi sans labour, hein. Donc on travaille sur des pratiques qui, par exemple, la traction animale ne tasse très peu la terre. Donc ça c'est vraiment des pratiques qui permettent de respecter la terre. Vous écoutez la voix du Kaizen. Ben, moi, ce que je pense pour justement voir ce que c'est que travailler au rythme du cheval, qui est quand même plus lent, hein, pour beaucoup des travaux, je pense que la vie, elle était dure à la campagne quand même. Il y avait beaucoup de travail. Quand le Roundup est arrivé, les voisins, ils m'ont dit, nous, le Roundup, c'était pouvoir aller danser le dimanche, quoi. Et avant, on dansait pas le dimanche. Donc, Roundup, c'était voilà, c'était ça. Et le tracteur, ça a été la même histoire. C'est-à-dire que le tracteur, ça permettait d'être plus rapide dans le travail et d'aller danser. C'était les promesses du tracteur. On a vu ce que ça a donné maintenant. Mais dans les promesses que ça a apporté, les gens ils s'y sont tout de suite mis parce que ça a apporté, ça, voilà, ça apportait du rêve en fait, quoi. Ça a apporté du rêve aux paysans qui bossaient dur dans sa campagne et qui n'a pas imaginé que le tracteur ça allait faire que finalement il allait être tout seul dans son tracteur. Alors qu'avant on travaillait à 10 dur, mais on travaillait à 10 et c'était sympa, ouais, et on faisait la fête tous ensemble le soir. Maintenant le paysan il est tout seul et le soir il a mal au dos et voilà, il va voir son banquier sur son compte bancaire pour savoir combien il a encore de crédit au Crédit Agricole. Donc ça il s'en doutait pas, mais voilà, c'était. Je pense, comment dire, si le pétrole était en abondance sur cette planète et qu'il n'y avait pas d'impact sur les êtres vivants, moi j'aurais aucun souci à l'utiliser. Le problème c'est que c'est pas le cas, quoi. C'est que c'est une ressource qui est finie, enfin qui est définie, on va dire. On a déjà consommé plus de la moitié, donc il y a un moment il n'y en aura plus. Donc si on veut être équitable, ben, faut se le partager à tous, parce que c'est quand même bien pratique. Et autant du coup réserver son usage à des pratiques où on peut pas faire autrement, ou en tout cas où c'est vraiment beaucoup plus confortable. Mais le problème, c'est encore une fois un problème de répartition des richesses. Nous, on consomme tout. Là, sur 3 ou 4 générations, on est en train de consommer toutes les richesses de la planète. Et puis, déjà, ailleurs dans le monde où ils n'ont pas accès, on s'en fiche. On va leur prendre chez eux pour l'utiliser chez nous. Et puis, alors, les prochains, on s'en fiche encore plus, quoi. Donc, si on a envie d'un peu d'équité dans ce monde, ben, il faut apprendre à partager, quoi. Et notamment le pétrole, qui est une ressource bien pratique, en fait, hein, bien utile, ben, je pense qu'il faut apprendre à la partager, quoi. Et du coup, voilà, l'attraction animale, c'est pour moi, c'est une façon d'économiser en fait ce précieux pétrole et du coup de produire, ben voilà, sans dégagement de CO2, sans accentuer aussi tous ces problèmes du réchauffement climatique. Hein. Tu as choisi, hein, de suivre la maxime de Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est vrai, tu pointes bien parce que c'est vrai que Gandhi, on a lu quelques bouquins de lui à 20 ans et il a pas mal influencé notre vie et cette phrase-là, notamment, elle nous a bien bien marqué, ouais. Guillaume, merci à toi. Ben merci. La voix du Kaizen. une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.